إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Donc inshallah dans cette matinée nous allons aborder certaines questions-réponses avec le grand savant le Sheikh Saleh Ibn Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et c'est pris d'un petit ouvrage qui s'appelle Hiwarun Ma'a Alim, discussion avec un savant. Et on ne pourra pas entamer toutes les questions parce que le temps ne le permet pas, mais Inch'Allah, on va essayer de lire et d'expliquer, de traduire certaines de ces questions qui sont très importantes. Il est dit As-su'alul awwal, la première question. يلاحظ على بعض الشباب في الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بها وانشغالهم بأمور أخرى فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب Donc il dit, il est remarqué chez certains jeunes dans ces derniers temps le délaissement, le dénigrement, le manque d'importance donné à l'apprentissage de la aqida, de la croyance, du dogme et de son étude, et d'en donner l'importance. Et puis ils donnent de leur temps, ils s'occupent par d'autres choses. Quelle est votre recommandation et votre directive à l'encontre de ces jeunes ? الجواب لا réponse بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد donc après avoir commencé au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux louange à Allah Seigneur des mondes prière sur notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci dit, فإنني أنصح للشباب وغيرهم من المسلمين أن يهتموا بالعقيدة أولا وقبل كل شيء. Il dit, certes, je recommande et je conseille aux jeunes ainsi qu'aux restants des musulmans qu'ils donnent de l'importance à la aqida en priorité et premièrement. Et avant toute chose. لأن العقيدة هي الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال قبولا وردا. Car la croyance, le dogme, c'est la base même sur laquelle toutes les œuvres et toutes les paroles sont jugées. Et de là, les œuvres vont être acceptées ou vont être rejetées. Cela dépendra de la aqida. فَإِذَا كَانَتْ الْعَقِيدَةُ صَحِيحَةً مُوَافِقَةً لِمَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خُصُوصًا خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ سَائِرَ الْأَعْمَالِ تُقْبَلُ إذا كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى وموافقة لما شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. Et si la aqida, le dogme, est authentique, en conformité avec ce avec quoi sont venus les messagers, alayhimu salatu wassalam, et plus précisément le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors toutes les autres œuvres seront acceptées. Si ces œuvres sont faites sincèrement pour la face d'Allah, Azza wa Jal, et que ces œuvres sont en conformité avec ce qu'Allah a légiféré et son messager sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا كَانَتِ الْعَقِيدَةُ فَاسِدَةً أَوْ كَانَتْ ضَالَّةً مَبْنِيَّةً عَلَى الْعَوَائِدِ وَتَقْلِيدِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ أَوْ كَانَتْ عَقِيدَةً شِرْكِيَّةً فإن الأعمال مردودة لا يقبل منها شيء ولو كان صاحبها مخلصا وقاصدا بها وجه الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ici, la عقيدة, le dogme n'est pas bon. Ou alors, c'est un dogme égaré qui est basé sur les coutumes et le suivi aveugle des pères et des ancêtres. Ou c'est un dogme de polythéisme. Alors toutes les œuvres seront rejetées et rien de ces œuvres ne sera accepté. Même si celui qui accomplit ces œuvres est sincère et il veut avec ses œuvres la face basse d'Allah. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, n'accepte des œuvres que ce qui est fait sincèrement pour sa face bénie et en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc là, le cheikh nous explique qu'il y a deux conditions pour que les œuvres soient acceptées. La première, que l'œuvre soit sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. On s'éloigne de toute forme de polythéisme et d'association, de shirkiyat. La deuxième, être en accord et en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un fait une œuvre sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est une œuvre qui ne fait pas partie de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette œuvre est rejetée. Et si cette personne, elle fait une œuvre qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette œuvre est rejetée. Il faut les deux conditions ensemble. Et ces deux conditions, c'est la mise en application des deux témoignages La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فمن كان يريد النجاة لنفسه ويريد قبول أعماله ويريد أن يكون مسلما حقا فعليه أن يعتني بالعقيدة. Donc celui qui veut sauver sa propre personne et qui veut l'acceptation de ses œuvres, et qui veut véritablement être un musulman véritable, il faut qu'il donne l'importance et qu'il apprenne al-aqidah. بأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يناقضها وما ينقصها. Et donc, il faut qu'il connaisse le dogme authentique et ce qui va à son encontre et ce qui viendrait à l'annuler ou à le rabaisser, à rabaisser de la valeur de ce dogme. حَتَّى يَبْنِيَ أَعْمَالَهُ عَلَيْهَا, jusqu'à qu'il construise ses œuvres selon et sur ce dogme-là. وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلا بتعلمها من أهل العلم وأهل البصيرة الذين تلقوها عن سلف هذه الأمة. Et ceci, on ne peut l'atteindre qu'en l'apprenant chez les gens du savoir, les gens de la clairvoyance qui l'ont acquis des pieux prédécesseurs de cette communauté. قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Et Allah, glorifié soit-il, a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du verset, sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, puis demande pardon pour ton péché ou pour ta faute, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Wa qad tarjama al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi tarjamatan qala fiha babun العلم قبل القول والعمل وساق الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام البخاري رحمه الله a donné comme titre un chapitre de son authentique chapitre Le savoir avant la parole et l'acte. Puis, il a cité le verset béni, dans le sens du verset, sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Et Allah, glorifié soit-il, a dit, dans le sens de la sourate, et par le temps, certes l'homme va vers sa perdition, sauf ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes œuvres, qui se sont conseillés mutuellement la vérité, et qui se sont conseillés mutuellement la patience. فرتب السلامة من الخسارة على مسائل أربع. Et donc, Allah nous a donné la précision que pour être sauvé de la perdition, hein, cela est basé sur quatre points. C'est ces quatre points qui nous sauveront de la perdition. المسألة الأولى, le premier point, الإيمان, la foi, le dogme. ويعني الاعتقاد الصحيح. Et c'est-à-dire, là, ici la foi, le dogme authentique. Puisqu'Allah a dit, إلا الذين آمنوا. Donc c'est l'iman. Et l'iman, c'est l'i'tiqad الصحيح, le dogme authentique. المسألة الثانية, deuxième point, العمل الصالح, les bonnes œuvres. Puisqu'il a dit, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Donc الأعمال الصالحة, les bonnes œuvres. المبني العمل الصالح la bonne œuvre المبني على العلم المأخوذ من الكتاب والسنة c'est la bonne œuvre qui est basée sur le savoir qui est acquis du livre c'est-à-dire le Coran et de la Sunna وعطف الأعمال الصالحة على الإيمان من باب عطف الخاص على العام لأن الأعمال داخلة في الإيمان وإنما عطفها عليها اهتماما بها. Et là, il nous précise le Cheikh que dans la précision de la bonne œuvre après la foi, c'est de ramener quelque chose de précis par rapport à quelque chose de général. Lorsqu'Allah nous a parlé de la foi, c'est un terme général. Et la bonne œuvre, c'est un terme plus précis par rapport à ce terme général. Car les œuvres, elles entrent dans la foi. Quand Allah il nous demande de faire preuve de foi, entre dedans d'agir dans ce sens et d'accomplir les bonnes œuvres. Mais là, il a précisé après la foi les bonnes œuvres pour nous démontrer l'importance des bonnes œuvres. Sinon, dans le terme la foi, entre dedans les bonnes œuvres, parce que les œuvres font partie intégrante de la foi. وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ Troisième point, تَوَاصَوْ بِالْحَقِّ se conseiller mutuellement la vérité. يَعْنِي دَعُوا يَعْنِي أُدْعُوا إِلَى اللَّهِ يَعْنِي دَعُوا إِلَى اللَّهِ C'est-à-dire, ils ont appelé, ils ont invité, ils ont prêché à Allah. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ Et ils ont recommandé, ordonné le convenable. وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ Et ils ont interdit le blâmable. وَلَمَّا اعْتَنَوْ بِأَنفُسِهِمْ أَوَّلًا وَعَرَفُوا الطَّرِيقِ da'au ghayrahum ila dhalik. Donc, lorsqu'ils se sont occupés de leur propre personne, et qu'ils ont connu et su le chemin, ils ont, après cela, invité les autres à ce chemin droit. لِأَنَّ الْمُسْلِمُ مُكَلَّفٌ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَلِ الْمُنْكَرِ. Car le musulman, il a pour mission d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala et d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et ils se sont conseillés mutuellement la patience. وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ. Et voilà le quatrième point. الصَّبْرُ عَلَى مَا يُلَاقُونَهُ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ مِنَ التَّعَبِ وَالْمَشَقَّةِ. De patienter sur ce qu'il adviendra, sur ce qu'ils vont connaître comme difficulté et comme fatigue dans ce chemin. فَلَا سَعَادَةَ لِمُسْلِمِينَ illa idha haqqaqa hadhihi al-masail al-arba'a. Donc il n'y aura pas de bonheur pour le musulman tant qu'il n'a pas réalisé ces quatre points. Amma al-ihtimam bi-thaqafat al-amma wal-umur as-suhufiyya wa aqwal an-nas wa ma yaduru fi al-alam fa hadhihi inna ma yattali'u al-insanu 'alayha ba'da ma yuhaqqiqu at-tawhid wa yuhaqqiqu al-'aqidah. Mais le fait de s'occuper par les cultures générales ou ce qui se passe dans les journaux et les paroles des gens et ce qui se passe dans le monde, cela n'est possible que pour la personne qui a déjà réalisé le tawhid et a réalisé la aqidah. Quelqu'un qui a déjà appris sa aqidah, qui a déjà appris son tawhid. فَيَطَّلِعُ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَعْرِفَ الْخَيْرِ مِنَ الشَّرِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْذَرَ مَا يَدُورُ فِي السَّاحَةِ مِنْ شُرُورٍ وَدِعَايَاتٍ مُضَلِّلَةٍ. Donc, il viendra à prendre connaissance de ces choses pour savoir le bien du mal et pour être en garde contre ce qui se passe sur, dans la place, sur terre, comme mal et comme propagation de choses qui égarent. لكن هذا بعد ما يتسلح بالعلم. Mais ceci, après cette armée de savoir. Parce que c'est avec le savoir que tu pourras distinguer le bien du mal. C'est avec le savoir que tu pourras savoir ce qui est un danger pour toi ou pas. ويتسلح بالعقيدة الصحيحة. Et il s'arme avec le dogme authentique. أما أن يدخل في مجالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة وهو على غير علم بعقيدته وعلى غير علم بأمور دينه فإن هذا لا ينفعه شيئا بل هذا يشتغل بما لا فائدة له منه. Mais s'il va à s'occuper ou il entre dans les domaines de la culture, dans les domaines concernant les journaux, les domaines politiques, alors qu'il n'est même pas sur une connaissance de sa croyance, qu'il n'est pas sur une connaissance des choses de sa religion, de sa pratique religieuse, cela ne lui sera pas bénéfique. Mais plutôt, il s'occupe avec ce qui n'est pas bénéfique pour lui. J'ai une question. Puis-je poser une question? Non. On ne pose pas la question en plein cours. Barakallahu fikum. Mais je ne connaissais pas la réponse. Barakallahu fikum. Wa la yastati'u an yumayyiz al-haqq min al-batil. Et ne peut distinguer le vrai du faux. كثير ممن جهلوا العقيدة واعتنوا بمثل هذه الأمور ضلوا وأضلوا ولبسوا على الناس بسبب أنهم ليس عندهم بصيرة. Et beaucoup de gens qui ignoraient la croyance et qui se sont adonnés à ces choses se sont égarés et ont garé les autres et ont fait croire des choses à ces gens à cause de quoi? Leur manque de clairvoyance. وليس عندهم علم yumayyizuna bihi bayna ad-dar wan-nafi'. Et ils n'ont pas le savoir qui leur permet de distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible. وما يؤخذ وما يترك. Et de ce qu'il faut prendre, de ce qu'il faut laisser. وكيف تعالج الأمور. De même, comment résoudre les problèmes et répondre à ces choses. فبذلك حصل الخلل وحصل اللبس عند كثير منهم. Et c'est pour cela qu'il y a eu, hein, il y a eu ce manquement et que beaucoup n'ont pas su distinguer la vérité. لأنهم دخلوا في مجالات الثقافة ومجالات السياسة من غير أن يكون عندهم علم بعقيدتهم وبصيرة من دينهم فحسبوا الحق باطلا والباطل حقا. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans des domaines de la culture ou de la politique sans avoir une connaissance de leur croyance et une clairvoyance dans les domaines de leur religion. Alors, ils ont cru que le vrai c'était le faux et que le faux était le vrai. السؤال الثاني, deuxième question. لقد أعرض أولئك الشباب عن قراءة كتب السلف الصالح التي تصحح العقيدة ككتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها التي توضح منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من السنة وأهلها والبدع وأهلها وانشغلوا بالقراءة لمن يسمون بالمفكرين والدعاة الذين يوجد في كلامهم ما يناقض كتب السلف ويقرر خلافها فبماذا توجه هؤلاء الشباب وما هي الكتب السلفية التي تنصحونهم بقراءتها وبناء العقيدة وتصحيحها عليها. Donc la deuxième question, elle dit, beaucoup de jeunes se sont éloignés, n'ont pas voulu lire les ouvrages des pieux prédécesseurs qui viennent à nous démontrer le dogme authentique. Comme, à titre d'exemple, le livre de As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim rahimahullah et bien d'autres qui démontrent et clarifient la voix des gens de la Sunnah et du groupe et leur position de la Sunnah et de ses adeptes et de l'innovation et de ses adeptes. Mais ils se sont adonnés à la lecture d'ouvrages de ce qu'on appelle penseurs ou d'autres prêcheurs sur lesquels on retrouve dans leurs paroles ce qui va à l'encontre, ce qui contredit les livres des pieux prédécesseurs. Et ils ont la conviction des choses qui sont en contradiction avec les pieux prédécesseurs. Quel est votre conseil ou recommandation pour ces jeunes et quels sont les livres de la voix des salafs que vous conseillez à lire pour avoir une croyance et un dogme authentique, pour baser un dogme authentique selon ces livres. Al-Jawab, la réponse. هذا السؤال متفرع عن السؤال السابق. Cette question, hein, c'est une des branches de la question précédente. Elle entre avec la question qui a précédé. وهو لما عرفنا أنه يجب العناية بالعقيدة وتعلمها وتعلم ما يجب على الإنسان نحوها فإنه يأتي هذا السؤال. Car lorsqu'on a su qu'il était un devoir d'apprendre la aqida et d'apprendre ce qui est un devoir pour la personne concernant cette aqida, après avoir su ça, elle vient cette question. Elle vient cette question. وهو ما هي المصادر التي تؤخذ منها العقيدة. Et qui est cette question qui est, quelles sont les références dans lesquelles on va prendre l'aqida. ومن هم الذين نتلقى عنهم هذه العقيدة. Et qui sont ceux de qui on va apprendre cette aqida. المصادر التي تؤخذ عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان منها هي الكتاب والسنة ومنهج السلف. Les références dans lesquelles on va prendre le dogme de l'unicité et le dogme de la foi, il y a le livre d'Allah, le Coran, et la sunna, les deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la voix des pieux prédécesseurs. فَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ بَيَّنَ الْعَقِيدَةَ بَيَانًا شَافِيًا. Car le Coran a clarifié clairement et explicitement le dogme. وَبَيَّنَ مَا يُخَالِفُهَا وَمَا يُضَادُّهَا وَمَا يَخِلُّ بِهَا. Et il a démontré ce qui va à l'encontre de cette aqida, et que ce qui est contre cette aqida, et ce qui viendrait à annuler cette aqida. وَشَخَّصَ كُلَّ الْأَمْرَادِ الَّتِي تَخِلُّ بِهَا. Et il a diagnostiqué toutes les maladies qui viennent à l'encontre de cette aqida. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرته ودعوته وحديثه. Et de même, il en est de même pour la sunna du messager صلى الله عليه وسلم. On le voit dans sa biographie, dans son prêche et dans ses hadiths عليه الصلاة والسلام. وكذلك السلف الصالح. Et il en est de même pour les pieux prédécesseurs والتابعون وأتباع التابعين من القرون المفضلة. Et les successeurs, tabi'in, ceux qui sont venus après les sahaba, et ceux qui leur ont succédé, les atba' tabi'in, parmi les générations bénies. قد اعتنوا بتفسير القرآن. Ils ont commenté, expliqué le Coran, ou tafsir sunnah. De même, ils ont expliqué et commenté la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa bayan al-aqida sahiha. Et ils ont démontré le dogme authentique et ils l'ont donné aux gens. فَيُرْجَعُ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى كَلَامِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Donc on retourne après le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam aux paroles des pieux prédécesseurs. وَهُوَ مُدَوَّنٌ ومحفوظ في كتب التفسير وشروح الحديث. Et cela est relaté, il est retenu dans, il est protégé dans les livres du commentaire du Coran, les livres de l'exégèse et les livres qui sont les commentaires des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là dedans on retrouve et sont compilées les paroles, et nous ont cité les paroles des pieux prédécesseurs. Et plus précisément, cela est cité dans les livres concernant le dogme. Et ceux de qui on doit prendre l'aqida, le dogme, ce sont les adeptes de l'unicité et du monothéisme. وعلماء التوحيد les savants dans le domaine du dogme et de la foi. الذين درسوا هذه العقيدة دراسة واعية. Ceux qui ont étudié cette aqida convenablement et clairement. وتفقهوا فيها. Et ils ont eu le savoir là-dedans. وهم متوافرون والحمد لله خصوصا في هذه البلاد بلاد التوحيد. Et ils existent alhamdulillah, et ils sont dans les pays, et plus précisément dans ce pays, il parle de l'Arabie Saoudite, qui est le pays de l'unicité et du monothéisme. فإن علماء هذه البلاد على وجه الخصوص وعلماء المسلمين المستقيمين على وجه العموم لهم عناية بعقيدة التوحيد يدرسونها ويفهمونها ويوضحونها للناس ويدعون إليها. Donc les ulama de ce pays de l'Arabie Saoudite plus précisément, et les ulama de la droiture d'un point de vue général dans les autres pays, ils sont connus pour l'importance qu'ils donnent à la aqida et au tawhid. Ils l'enseignent, ils la font comprendre et ils la clarifient pour les gens et ils prêchent à cela. فالرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وصفت هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد. Donc, de retourner aux gens du tawhid, aux adeptes du tawhid et aux savants du tawhid, ceux qui ont la croyance saine et claire, c'est d'eux qu'on prend la aqida et le tawhid. Amma al-insiraf an kutub al-aqida إلى كتب الثقافات العامة والأفكار المستوردة من هنا وهناك فهذه لا تغني شيئا. Mais le fait de se détourner des livres de la Aqida vers des livres de la culture générale ou d'idéologie qu'on nous a importée de là, de par là, de là ou là. Ces livres-là ne sont d'aucune utilité et ils ne nous apportent rien. Et ces livres de la culture générale ou autres, il n'y a aucun mal. Le fait de ne pas les connaître, il n'y a aucune nuisance pour nous de ne pas savoir ce qu'il y a dedans ou de ne pas être au courant de ce qu'il y a. Et ça n'a aucune utilité dans le savoir là-dessus. Et en plus, le fait de les connaître, ça n'a aucun bénéfice réellement. ولكن من تضلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيدة والعلوم الشرعية وأراد أن يطلع عليها من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن علمه العقيدة الصحيحة وحرم هؤلاء الذين انشغلوا بالقيل والقال وملأوا الكتب والصحف بالكلام الذي لا طائلة تحته وشره أكثر من خيره. Mais celui qui a une très bonne connaissance dans le domaine de tawhid et de l'aqida et dans les domaines religieux et dans les connaissances religieuses, et qui a voulu prendre connaissance de ce qu'il y a dans ces livres pour reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, du fait qu'il lui a enseigné, qu'il lui a appris le dogme authentique, et que ces gens qui se sont adonnés à ces choses et aux paroles de ci et par là, un tel a dit ou on a dit, et qu'ils ont empli leurs livres et leurs journaux de paroles qui n'ont aucun bénéfice, qu'il n'y a aucun bien là-dedans, et qu'il y a plus de mal que de bien là-dedans, alors il connaîtra cette personne, le bienfait d'Allah sur lui, que Allah lui a donné des choses que ces gens-là en ont été privés. فَلَا يَجُوزُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَالْمُبْتَدِي بِالْخُصُوصِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهَذِهِ الْكُتُبِ. Il n'est pas permis, il n'est pas convenable pour l'étudiant en religion, de même que le débutant, plus précisément, de s'occuper par ces livres-là. لِأَنَّهَا لَا تُسْمِنُ وَلَا تُغْنِ مِنْ جُوعٍ. Car elle n'apporte, monsieur le tata pour dire, qu'elle n'apporte rien, elle n'est d'aucune utilité. وَإِنَّمَا تَأْخُذُ الْوَقْتِ وَتُشَتِّتُ الْفِكْرِ. Mais plutôt, elle prend du temps. C'est une carte de temps. Et aussi, elle disperse tes pensées. وَتُضَيِّعُ الزَّمَانَ عَلَى الْإِنسَانِ. Et elle fait perdre le temps à la personne. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَخْتَارَ الْكُتُبَ النَّافِعَةِ. Donc il est un devoir pour la personne de choisir les livres bénéfiques. وَالْكُتُبُ الْمُفِيدَةِ. والكتب التي تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتشرح فهم السلف الصالح لها. Et les livres qui sont basés sur le livre d'Allah, la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم, et qui explique la compréhension des pieux prédécesseurs. فالعلم ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. Et le savoir, c'est ce qu'Allah a dit, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'a dit son messager sallallahu alayhi wa sallam. Qala Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu. C'est les vers de poésie connus. Il dit le savoir, Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit. As-su'alu thalith, troisième question. من الشباب من زهدوا في متابعة الدروس العلمية المسجلة ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين واعتبروها غير هامة أو قليلة النفع واتجهوا إلى المحاضرات العصرية التي تتحدث عن السياسة وأوضاع العالم لاعتقادهم أنها أهم لأنها تعتني بالواقع فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب. Parmi les jeunes, il y en a qui négligent ou qui n'ont plus, ne veulent plus suivre les cours de science enregistrés et d'assister aux cours des gens de savoir, du savoir ou des savants reconnus. Et ils ont dit que ce n'est pas important, ou alors qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices là-dedans. Et au même moment, ils vont vers les conférences contemporaines qui parlent des domaines politiques et de ce qui se passe dans le monde, en ayant la conviction que ça c'est bien plus important, car elles parlent de l'état actuel. Quel est votre conseil vis-à-vis de ces jeunes? Al-Jawab, la réponse. هذا كما سبق. Cette question est comme ce qui a précédé. الاشتغال بالمحاضرات العامة والصحافة وبما يدور في العالم دون علم بالعقيدة ودون علم بأمور الشرع تضليل وضياع. Donc, de s'occuper par des conférences générales ou des journaux ou de ce qui se passe dans le monde sans avoir une connaissance du dogme et sans avoir une connaissance de la religion, c'est une forme d'égarement et de perte de temps. Et celui qui s'adonne à cela, il devient comment? Quelqu'un qui a les idées éparpillées, qui ne se retrouve plus. Car il a pris ce qui est un mal en échange de ce qui est un bien. والله سبحانه وتعالى أمرنا بتعلم العلم النافع أولا. Et Allah, glorifié soit-il et l'élevé, nous a ordonné d'apprendre le savoir bénéfique. قال تعالى, le Très-Haut nous dit dans فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Dans le sens du verset, sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, puis demande pardon pour ta faute. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dans le sens du verset, dit, sont-ils égaux, sont-ils semblables, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ne se rappellent que ceux qui sont doués de raison. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dans le sens du verset, certes, ce sont les savants parmi les serviteurs d'Allah qui le craignent. Certes, parmi ne craignent parmi ses serviteurs que ce que les savants. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dans le sens du verset, et dit, ô mon Seigneur, accrois-moi, augmente-moi dans le savoir. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَحُثُّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et bien d'autres versets qui recommande et qui ordonne la quête du savoir qui a été descendu dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ الْمُفِيدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Car voilà réellement le savoir bénéfique qui est bénéfique dans ce bas monde et pour l'au-delà. وَهَذَا هُوَ النُّورُ الذي يبصر الإنسان به الطريق إلى الجنة وإلى السعادة. Et voilà même la lumière avec laquelle l'homme pourra voir le chemin qui le mène vers le paradis et vers le bonheur. والطريق إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. Et le chemin de la vie, de la bonne vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Dans le sens du verset, ô vous les hommes, une preuve vous est venue de votre Seigneur et nous avons fait descendre vers vous une lumière claire. Ceux qui ont cru en Allah et qui se sont cramponnés à lui, il lui fera entrer dans sa miséricorde et dans sa bonté. Et il les guidera vers un chemin droit. ونحن نقرأ سورة الفاتحة وفيها الدعاء العظيم. Et nous lisons la sourate al-Fatiha, la première sourate du Coran. Et dedans, il y a cette grande invocation. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le sens du verset, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. والذين أنعم الله عليهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah ont assemblé entre le savoir bénéfique et les bonnes œuvres. Le savoir et la mise en pratique du savoir. Parmi ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie. Wal maghdubi alayhim, et ceux qui ont encouru la colère d'Allah, هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل, sont ceux qui ont appris le savoir, qui ont pris le savoir, mais ne l'ont pas mis en pratique. Ils ont délaissé la mise en pratique. والضالين, et les égarés, هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم, ce sont ceux qui se sont mis à pratiquer, mais sans aucun savoir. Avec ignorance, ils n'ont pas appris. فَالصِّنْفُ الْأَوَّلِ مِنَ الصِّنْفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ. Donc la première catégorie, parmi les deux dernières catégories, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ils ont su, mais n'ont pas pratiqué. لِأَنَّهُ عَصَى اللَّهُ عَلَى بَصِيرًا. Car il a désobéi à Allah sur une clairvoyance. Parce qu'il a le savoir, mais il ne l'a pas mis en pratique. Donc il savait qu'il fallait pratiquer et il ne l'a pas fait. Donc il a désobéi à Allah en connaissance. Et la dernière catégorie, les égarés, donc il est égaré, car il a pratiqué sans aucune connaissance, sans avoir appris. Il ne sera sauvé que ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah. وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Et ce sont ceux, les adeptes, du savoir bénéfique et de la mise en pratique, c'est-à-dire ils ont appliqué les bonnes œuvres. فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَنَا عَلَى بَالٍ. Donc il faut bien faire attention à cela et le prendre en considération. وَأَمَّا الْإِشْتِغَالِ بِوَاقِعِ الْعَصْرِ كَمَا يَقُولُونَ أو فقه الواقع فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي. Mais de se préoccuper de l'état, de ce qui se passe aujourd'hui dans notre époque, comme ils disent, ou alors ils disent avoir la connaissance de ce qui se passe autour de nous, ça on ne peut l'avoir, s'il faut l'avoir, qu'après avoir la compréhension religieuse, qu'après avoir l'étude et l'enseignement religieux. إذا تفقه الإنسان بالفقه الشرعي فإنه ينظر في واقع الناس وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح ليميز خيرها من شرها. Et donc la personne, lorsqu'elle aura appris sa religion, il aura étudié sa religion, donc il pourra regarder l'état des gens d'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde et ce qu'il y a comme idéologie et d'opinion, et il les mettra sur la balance du savoir religieux authentique pour distinguer ce qui est un bien de ce qui est un mal, وبدون العلم الشرعي فإنه لا يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. Et sans la connaissance, le savoir religieux, il ne pourra pas distinguer le vrai du faux et la guider de l'égarement. فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور الثقافية والأمور الصحفية والأمور السياسية وليس عنده بصيرة من دينه فإنه يضل بهذه الأمور. Donc celui qui dès le début il commence par les domaines culturels ou les domaines ce qu'il y a dans les journaux ou les domaines politiques sans avoir une clairvoyance dans sa religion, avec ces choses-là, il ne fera que s'égarer. لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَدُورُ فِيهَا ضَلَالٌ وَدِعَايَةٌ لِلْبَاطِلِ. Car la plupart des choses, en général, qui se trouvent dans ces domaines-là, ne sont que de l'égarement, et c'est un appel vers le faux. وَزُخْرُفْ مِنَ الْقَوْلِ وَغُرُورٍ. Et ce ne sont que des embellissements de paroles. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ. Qu'Allah nous en préserve. Donc une autre question. Donc سؤال. بعض الشباب اليوم يفهم معنى قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم أنهم أولئك الذين يذكرون أخطاء الحكام على المنابر وأمام الملأ وفي الأشرطة المسجلة ويحسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك أيضا نرجو توجيه أولئك الشباب هداهم الله إلى السلوك الصحيح وتوضيح المعنى الصحيح لهذه الآية وحكم أولئك الذين يتكلمون في الحكام علنا. Là, j'ai sauté une question, parce que le temps il presse, et puis celle-là, c'est une question vraiment importante. Peut-être à d'autres occasions, on pourra voir les questions, elles sont toutes importantes. Donc la question, elle dit, certains jeunes, aujourd'hui, comprennent le verset, où il est dit, dans le sens du verset, et ils ne craignent pas le reproche de celui qui viendra leur faire, dans le sens du verset. Que ce verset concerne ceux qui parlent des erreurs des gouvernants du haut des minbars. Et devant tout le monde, et dans des audios enregistrés. Et il donne la précision que d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, ça ne concerne que ce point-là. Nous voulons un éclaircissement de votre part pour ces jeunes, qu'Allah les guide vers le comportement authentique et nous donner l'explication authentique de ce verset et le jugement concernant ceux qui parlent sur les gouvernants ouvertement. Al-Jawab, réponse. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Donc il nous ramène le verset dans sa totalité. Où Allah nous dit dans le sens du verset, bien sûr pour la traduction exacte, vous retournez inshallah au Coran traduit. Moi je vous fais qu'une approche. Ô vous qui avez cru, celui qui apostasie, qui renie sa religion. Allah, celui qui viendrait, si jamais vous venez à quitter cette religion, Allah fera venir des gens, d'autres personnes, qui l'aiment et que eux l'aiment. Et qui seront humbles envers les croyants et durs envers les mécréants. Ils combattent dans le sentier d'Allah et ne craignent le reproche de personne. Ne craignant le reproche de personne. هذه الآية في كل من قال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله. Ce verset concerne toute personne qui a dit une parole véridique et qui a combattu dans le sentier d'Allah. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر طاعة لله تعالى. Et qui a ordonné le convenable et qui a interdit le blâmable il a fait cela en obéissant à Allah Ta'ala. وَلَمْ يَتْرُكِ النَّصِيحَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّعِ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَشْيَةِ النَّاسِ. Et il n'a pas délaissé le conseil d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, le combat dans le sentier d'Allah pour les gens, ou alors par crainte des gens. ولكن قضية النصيحة والدعوة إلى الله كما قال تعالى. Mais sur le point concernant le conseil et le prêche à Allah, comme Allah a dit, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Dans le sens du verset, appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et ne polémiquez avec eux que de la meilleure manière. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala li Musa wa Harun lamma arsalahuma ila Fir'aun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux deux prophètes qui sont frères, Musa et Harun alayhim assalam, lorsqu'il les a envoyés à Pharaon, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dites-lui une parole douce, une parole tendre, afin qu'il se rappelle ou qu'il fasse preuve de crainte. Waqala ta'ala fi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah le Très-Haut a dit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Dans le sens du verset, et c'est de par une clémence d'Allah que tu as été doux, que tu as été tendre envers eux, envers les compagnons. Et si tu étais doté d'un cœur dur, ils se seraient éparpillés autour de toi, ils ne seraient pas restés avec toi. فَالنَّصِيحَةُ لِلْحُكَّامِ تَكُونُ بِالطُّرُقِ الْكَفِيلَ لِوُصُولِهَا إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَاحِبَهَا تَشْهِيرٌ أَوْ يُصَاحِبَهَا اسْتِنْفَارٌ لِعُقُولِ السُّجَّجِ وَالدُّهَمَاءِ مِنَ النَّاسِ. وَالنَّصِيحَةُ تَكُونُ سِرًّا بَيْنَ النَّاصِحِ وَبَيْنَ وَلِيِّ الْأَمْرِ إِمَّا بِالْمُشَافَهَةِ وَإِمَّا بِالْكِتَابَةِ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ ويبين له هذه الأمور ويكون ذلك بالرفق ويكون ذلك بالأدب المطلوب. Donc, et le conseil pour les gouvernants, il doit être fait par des moyens, par les chemins dont on est sûr qui amèneront un but bon, sans dévoiler devant tout le monde ou de le montrer à tout le monde, sans essayer de remonter les gens. Et surtout dans les gens, il y a ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas la possibilité d'assimiler les choses convenablement parmi les gens. Et le conseil se fait en secret, entre le conseiller, et le gouvernant, soit de vive voix, soit en lui écrivant un conseil, ou soit en le contactant, et il lui montre les choses à lui démontrer. Et cela se fait avec douceur et tendresse, et se fait avec le bon comportement qui est demandé. أَمَّا الْكَلَامِ فِي الْوُلَاةِ عَلَى الْمَنَابِرِ وَفِي الْمُحَاضَرَاتِ الْعَامَةِ فَهَذِهِ لَيْسَتْ نَصِيحَةً هَذَا تَشْهِيرٌ. Mais de parler sur les gouvernants du haut des minbars et dans les conférences générales, cela ne fait pas partie du conseil, mais c'est plutôt une humiliation qu'on fait à la personne. On fait connaître aux gens le mal ou le péché d'un tel. وَهَذَا زَرْعٌ لِلْفِتْنَةِ. Et c'est, en faisant cela, on est en train de semer la discorde et le trouble. وَالْعَدَاوَ بَيْنَ الْحُكَّانِ وَشُعُوبِهِمْ. Et de mettre l'animosité entre les gouvernants et leur peuple. وَهَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَدْرَارٌ كَبِيرَةٌ. Et beaucoup de maux viennent en conséquence de cela. قَدْ يَتَسَلَّطُ الْوُلَاةُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَلَى الدُّعَاةِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ. Il se peut que les gouvernants, à cause de ces choses-là, à cause de ces agissements, s'en prennent aux gens du savoir, aux savants, s'en prennent aux prêcheurs à cause de ces actes-là. فهذه تفرز من الشرور ومن المحاذير أكثر مما يظن فيه من الخير. Donc, beaucoup de maux vont découdre de ces agissements. Il y aura plus de mal que de bien qui va en découdre. فلو رأيت على شخص عادي ملاحظة أو وقع في مخالفة ثم ذهبت إلى الملأ وقلت فلان عمل كذا وكذا لاعتبر هذا من الفضيحة وليس من النصيحة. Si tu vois sur une personne quelconque, une personne normale, une erreur, un péché, et tu vas vers toute une assemblée, et tu leur dis, un tel, il a fait ça, il a fait ça. Cela sera considéré comme une humiliation et non pas un conseil. والنبي صلى الله عليه وسلم قال et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Celui qui cache un musulman, c'est-à-dire qui cache les défauts, les erreurs, les péchés d'un musulman, Allah le cachera, lui cachera ses défauts, ses péchés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le hadith il est dans Sahih Muslim. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على شخص لا يخص قوما بأعيانهم. Et lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم voulait démontrer les erreurs d'une personne, il ne précisait pas c'était qui la personne. بل يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. Mais il disait comment se fait-il qu'il y en ait, qu'il y a des gens qui font ceci ou cela. Et cela est relaté dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. لأن التصريح بالأشخاص يفسد أكثر مما يصلح. Car le fait de préciser la personne dans ce contexte-là fait plus de mal que de bien. بل ربما لا يكون فيه صلاح. Et il se peut qu'il n'y ait même pas de bien là-dedans. بل فيه مضاعفة سيئة على الفرد وعلى الجماعة. Mais plutôt, ça va peut-être augmenter le mal sur cette personne ou sur le groupe. Et le chemin du conseil, la manière de conseiller est connue. Et ceux qui vont donner le conseil, il faut obligatoirement qu'ils soient à un certain niveau de connaissance et de savoir. والإدراك والمقارنة بين المدار والمصالح. Et qu'ils aient aussi, qu'ils ont atteint le stade d'assimiler entre ce qui va être bénéfique de ce qui va être nuisible. والنظر في العواقب. Et aussi, ils vont regarder sur les conséquences à venir. ربما يكون إنكار المنكر منكرا. Il se peut que de réprimander un mal en lui-même c'est un mal. كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. Comme a dit شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك إذا أنكر المنكر بطريقة غير شرعية. Et ceci s'il vient à réprimander le mal par un moyen qui n'est pas religieux, par un moyen qui n'est pas légiféré. فَإِنَّ الْإِنْكَارْ نَفْسُهُ يَكُونُ مُنْكَرًا. Et à ce moment-là, eh ben, فَإِنَّ الْإِنْكَارْ. Donc à ce moment-là, c'est quoi le mot ? De blâmer le mal à ce moment-là, en lui-même c'était un mal parce qu'il n'a pas été fait par un moyen légiféré. لما يولد من الفساد, pour ce qu'il va ramener comme mal. وكذلك النصيحة ربما نسميها فضيحة ولا نسميها نصيحة. Et de même pour le conseil, il se peut que ce soit une humiliation et non pas un conseil. نسميها تشهيرا. On va l'appeler, c'est, il a voulu montrer les péchés ou les erreurs d'un tel devant tout le monde. Nous sommes mis à Isaraten. On l'appellera, c'est plutôt pour alimenter les gens contre cette personne. Nous sommes mis à Ziyadatu Fitna. Et on pourrait l'appeler un rajout dans la discorde et dans le trouble. Isaja et بغير الطريق الشرعي المأمور به si elle vient par un autre chemin que celui qui est légiféré, qui nous a été ordonné. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.